À l'occasion du 53e anniversaire de l'intégration du général Kim Jong-il au comité central du Parti du Travail de Corée, l'Association britannique d'études de la politique de Sun Gun a inséré le 5 juin dans son homepage d'Internet le résumé détaillé de l'œuvre classique du général Kim Jong-il, l'art cinématographique, avec la photo de l'auteur.